Section 71 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La lecture, tome 6e. Section 71. Stanley, sa vie, ses aventures et ses voyages. Par Adolphe Burdeau. Chapitre 1. Le petit mousse, l'enfance de Stanley, son père d'adoption, soldat confédéré, le reporter américain. C'était par une froide et triste soirée de décembre. Depuis le matin, une brume épaisse avait interrompu la circulation des vapeurs sur la Mersey et rendu impossible l'accès du port de Liverpool. À la tombée de la nuit, le brouillard s'était ramassé et avait envahi la ville. On eût dit d'un blanc suaire que piquaient çà et là, sans le pouvoir percer, les points rougeâtres des réverbères. Il y avait un peu de tout dans ce brouillard, du givre, de la vapeur d'eau, des émanations d'égouts et de la fumée d'usine qui se rabattait sur le sol. C'était le vrai fog anglais, père du spleen et des idées noires. Sous le porche de la maison d'un entrepositaire, au milieu de tonneaux d'huile et de couleurs, un jeune garçon était accroupi, songeur. À la clarté du bec de gaz qui flambait dans le couloir, où le vent, en s'engouffrant, faisait rage, l'enfant comptait et recomptait dans sa main quelques pièces d'argent. Et chaque fois que trébuchait la dernière, il y avait dans ses yeux, dans son geste, dans tout son être, comme un désespoir poignant. « Ce n'est pas assez, murmurait-il. Il manque près d'une livre. Jamais je ne gagnerai cela d'ici à demain. » Et pourtant, j'ai quitté mon gîte ce matin pour n'avoir pas à payer ma nuit. » Il fit une pause. « Ah, c'est que j'espérais travailler davantage aujourd'hui, » continua-t-il avec un gros soupir. « Mais par ce brouillard, les navires n'ont pas pu entrer dans le port, et il n'y a pas eu grand-chose à gagner pour les petits déchargeurs. » Son regard devint dur et fixe. « Et pourtant, c'est demain qu'il part pour la Nouvelle-Orléans. » L'enfant avait pris son front dans ses deux mains, et de ses doigts crispés, il semblait vouloir pétrir sa tête pour en faire jaillir la solution d'un problème ardu. Soudain, il se redressa, et d'un air crâne, « Je partirai quand même, » dit-il simplement. Et là-dessus, avec ce calme que donne une résolution inébranlable qui met fin à tout enfantement nouveau de l'esprit, il s'étendit par terre, ferma les yeux, et s'endormit profondément avec un tonnelet de ses ruses pour oreiller. Le lendemain, de bonne heure, il était au port, et s'adressant au patron d'un navire en partance pour la Nouvelle-Orléans, « Je voudrais m'enrôler parmi vos hommes d'équipage, » demanda-t-il. « Il est au complet, mon équipage, » fit le capitaine d'un ton bourru. « C'est que voici, monsieur, je veux aller à la Nouvelle-Orléans. Or, il me manque une livre pour payer mon passage à votre bord. Alors, j'ai pensé que peut-être vous me permettriez de suppléer à cela par mon travail. Je me mettrai à n'importe quelle besogne. Le voulez-vous ?» Le capitaine allait l'envoyer au diable, quand, levant les yeux sur ce voyageur en herbe, il fut frappé de son air intelligent et décidé. Il eut un moment d'hésitation, puis, appelant le quartier-maître, « Enrôlez-moi ça comme mousse » ordonna-t-il. Et le jeune garçon s'en alla à la Nouvelle-Orléans, gagnant son passage et son pain aux rues de labeur du marin. Ce pauvre diable qui, à 16 ans, couchait à la Belle Étoile dans les rues de Liverpool, ce courageux enfant qui déjà travaillait comme un homme, cet être remuant et énergique que piquait dès l'enfance la tarentule des voyages, c'était Stanley, le futur explorateur, qui plus tard allait attacher son nom aux plus grandes épopées géographiques de notre époque. La plupart des hommes qui ont agrandi le domaine géographique, a dit feu Émile Banning, un modeste mais un des plus érudits historiographes de notre temps, ne savaient pas où aboutirait le sillon qu'ils ouvraient, mais ils l'ont résolument poussé devant eux, et c'est parce qu'ils ont fait cela que l'humanité leur doit quelques-unes des belles pages de son histoire. Ces paroles ne peuvent être mieux appliquées qu'à Stanley, dont la carrière scientifique s'est ouverte d'une façon presque inconsciente au début, et chez qui nul n'aurait pu prédire les destinées qu'il a atteintes. De son vrai nom, Stanley s'appelle John Rowlands. Alors que beaucoup le croient américain, il est en réalité anglais, né en 1840 à Denbigh, dans le pays de Galles, d'une mère si pauvre que la malheureuse femme fut obligée de placer ce fils qu'elle chérissait à l'hospice des enfants de Saint-Asaph. C'est là que le jeune Rowlands reçut sa première instruction, et à cette époque déjà, son caractère se dessinait. Il était ombrageux, peu communicatif, très susceptible, doué d'une volonté de fer, d'une humeur inflexible. De bonne heure aussi, il se passionna pour l'étude. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas sa mère, oh non, il avait au contraire pour la pauvre femme une adoration muette, concentrée, qui se trahissait par des élans subits d'une tendresse folle dont elle se trouvait si heureuse. Il l'aimait par-dessus tout, il aurait sans hésiter donné sa vie pour elle. Et cependant il la quitta malgré ses supplications et ses larmes. Il la quitta presque en mauvais sujet, en vagabond qui court au loin tenter sottement fortune. Étrange contradiction qui parfois fait douter du cœur de l'enfant et croire à de l'ingratitude. C'est qu'au fond de lui-même, sans qu'il s'en rendît compte, le jeune Rolands subissait une poussée irrésistible vers les grands voyages. Une force surnaturelle l'attirait dans cette voie, et ni son amour pour sa vieille mère, ni le chagrin mortel qu'il lui causait en partant ainsi, ni les fatigues de la route, ni les menaces de l'inconnu où il s'aventurait sans défense, rien ne l'arrêta. Il ne voyait que son but, gagner Liverpool, pour, de là, partir bien loin, dans des pays inconnus, sauvages, y planter sa tente, y vivre de la grande vie d'indépendance et de liberté. C'était en un mot le Stanley de l'avenir, qui, se révélant dans cet enfant jeune et frêle, s'en allait à pied chercher un navire pour commencer sa vie de voyageur. Arrivé à Liverpool, il ne trouva pas à s'enrôler à bord d'un vapeur comme il l'espérait. Il eut des moments de désespoir fou. Mais sans se laisser abattre, il résolut de travailler pour amasser la somme nécessaire à son passage. Et pendant près de 3 ans, cet enfant fit le dur métier de déchargeur dans le port de Liverpool. C'est là que nous venons de le trouver, comptant son pauvre argent amassé sou par sou au prix d'un labeur ingrat, et n'arrivant pas à aligner la somme qu'il fallait pour payer sa traversée de Liverpool à la Nouvelle-Orléans. On vient de voir comment le problème fut résolu, grâce à la complaisance bourrue d'un vieux loup de mer, qui avait flairé quelqu'un dans ce corps d'enfant. Et il semble, de plus, que la main du destin qui le poussait lui ait indiqué la Nouvelle-Orléans comme but de préférence à tout autre lieu. C'est là, en effet, que le jeune Rolands allait rencontrer son grand bienfaiteur, dont il prit et illustra le nom. À peine arrivé, et comme il manquait absolument de tout moyen d'existence, l'enfant se mit en devoir de trouver un emploi qui lui donnât du pain. Il le trouva chez un négociant nommé Stanley, à qui sa figure décidée et son caractère énergique inspirèrent, sans doute, une grande confiance, car d'emblée il se vit accepté comme commis. Bientôt, par son intelligence et son activité, il gagna les bonnes grâces, la sympathie de son patron, qui l'éleva successivement aux plus hauts emplois et finit même par l'adopter. Telle fut l'origine du nom de Stanley. Hélas, ce brillant début dans la vie n'eut pas de lendemain. L'homme de bien qui protégeait de la sorte le futur explorateur africain mourut subitement, sans avoir eu le temps de faire aucun testament, et Stanley vit s'évanouir ainsi d'un jour à l'autre son avenir, ses espérances de fortune et la récompense d'un travail dévoué. Le coup dut lui être sensible. Il eut même probablement des conséquences fatales, car pendant les 9 années qui suivent cette catastrophe, on perd complètement la trace de Stanley, on ignore ses faits et gestes, on ne sait rien de la manière dont il vécut. Sans doute, ce fut l'époque critique de sa vie, celle où il eut à lutter contre des situations atroces. Plus amèrement que dans sa première jeunesse, il connut alors le « struggle for life », la lutte pour la vie, déplorable combat où le soldat obscur ne trouve souvent que la défaite ou la mort. Mais pour les grandes âmes, cette période d'épreuve est aussi le creuset où tout s'épure, où le courage s'avive, où l'énergie se trempe, et d'où l'on sort ardent pour la bataille, cuirassé contre les revers et marqué pour la victoire finale. Ce fut encore le cas de Stanley. En 1861, éclate dans les Amériques la fameuse guerre de sécession, et nous trouvons Stanley enrôlé dans l'armée confédérée sous les ordres du général Johnston. Sans cesse sur la brèche, payant vaillamment de sa personne, il fut fait prisonnier en avril 1862 à la bataille de Pittsburgh. Il avait tant souffert, tant bataillé, les jours pour lui avaient été si durs, que son corps émacié n'était qu'un vrai squelette, d'une maigreur invraisemblable. Cette circonstance le sauva. Pendant qu'on le transportait au quartier général pour y passer en conseil de guerre et pour y être fusillé, il parvint à se glisser entre les barreaux de la voiture. Ses gardiens s'en aperçurent, lui envoyèrent une grêle de balles, mais il réussit à prendre le large et à reconquérir sa liberté. Dès lors, sous la menace continuelle d'être arrêté et passé par les armes comme prisonnier confédéré, Stanley finit par s'engager comme simple matelot dans la marine fédérale. Il ne tarda pas à s'y distinguer, En 1863, il était nommé secrétaire du capitaine commandant le Ticonderoga, et 4 mois plus tard, celui de l'amiral qui hissait son pavillon sur ce même bâtiment. Ce fut alors une suite de succès pour Stanley, et peu de temps après, il gagnait son grade d'enseigne de vaisseau sur le champ de bataille. Il guerroya de la sorte jusqu'en 1865. À cette époque, le Ticonderoga étant en croisière devant Constantinople, Stanley demanda et obtint un congé dont il profita pour faire un voyage dans l'Asie mineure. De là, il revint en Europe et retourna au pays natal pour y revoir sa mère. Il y eut de douces larmes de joie en juin 1865, dans la pauvre maison de Denby, au pays de Galles. Depuis près de 15 ans, la vieille mère n'avait pas revu son enfant. Dieu le lui rendait officier de marine et déjà célèbre. Comme elle eût voulu le retenir, l'attacher à elle, le river à ses vieux jours. Mais la même force invincible l'attirait encore et toujours. Quand il eut consolé sa mère, quand, au sein du pauvre foyer, il eut ramené un peu de confort et de joie, quand il eut assuré le sort de la pauvre femme, un matin, il lui baisa longuement ses blancs cheveux, et bien vite, sans regarder derrière lui, il s'en fut une fois encore poussé par sa destinée. Lorsqu'il revint aux États-Unis, la guerre était terminée. Il ne lui convenait pas de mener la vie sédentaire d'officier, et il donna sa démission. C'est alors qu'on le voit aborder sa nouvelle carrière, dans laquelle il allait s'illustrer. Stanley devint journaliste. L'Amérique est la vraie patrie du reporter. Là-bas, où tout se fait dans des proportions géantes, le reportage atteint des limites telles que nos pays en offrent peu d'exemples. Les reporters des grands journaux ont des traitements de ministres. Ajoutons que tout n'est pas rose dans leur métier. Tandis que leurs confrères d'Europe pontifient le plus souvent au sein des émanations de l'art et de la science, les reporters d'Amérique ont presque constamment le fusil à l'épaule et marchent en soldats à la suite des colonnes guerrières. Dans ces vastes contrées où tant de territoires sont encore sauvages, il y a toujours quelques coins où l'on se bat. C'est là que le reporter doit être tout d'abord. C'est ainsi que la première campagne de Stanley, comme reporter du Missouri Démocrate et de la New York Tribune, fut de suivre l'expédition du général Hancock contre les Indiens Cheyennes et Kiowa. Les comptes rendus qu'il envoya alors attirèrent sur lui l'attention de la presse entière. On y sentait un maître. Il fit plus, la campagne guerrière terminée, au lieu de revenir avec le corps d'armée, Stanley, accompagné d'un seul homme, descendit en radeau la rivière Platte jusqu'au Missouri. Il se révélait donc déjà explorateur, et dès lors ce fut à qui se disputerait le hardi reporter. Le New York Herald, dont chacun connaît la puissance, se l'attacha comme correspondant voyageur aux appointements de 20 000 francs par an. On était alors en 1867. L'Angleterre préparait sa grande expédition d'Abyssinie, et Stanley, la devançant sur la mer Rouge, envoya à son journal les premières nouvelles du débarquement des troupes et de l'organisation des caravanes de transport du corps expéditionnaire. Dans cette campagne fameuse, qui rappela par ses proportions géantes les fastes des guerres puniques, comme jadis à Carthage, tout un corps d'éléphants guerriers fut chargé du transport et du ravitaillement des troupes. Ces animaux avaient été amenés des Indes à grands frais, et ce fut merveille de les voir traverser les forêts, montagnes, ravins, avec une docilité surprenante, puis jeter l'épouvante au sein des populations ennemies. De sa plume chaude et vibrante, qui savait communiquer au public l'enthousiasme de l'écrivain, Stanley sut décrire avec une force dramatique empoignante les péripéties de cette guerre lointaine. Et quand Magdala fut prise, quand Théodoros vaincu trouva la mort dans un superbe et mâle désespoir, ce fut Stanley qui le premier en expédia la nouvelle, avec une rapidité si surprenante que le New York Herald put la publier un jour entier avant que le ministère anglais en eût eu connaissance par l'état-major qui opérait sur les lieux. Du reste, Stanley fut mêlé comme journaliste à tous les grands événements politiques et guerriers de notre époque. Tantôt il est à Madrid au moment de la chute d'Isabelle II, tantôt au canal de Suez pour étudier les travaux. Il fit aussi un grand voyage dans l'Asie centrale, et de tous ces points, il expédia à son journal, le New York Herald, des correspondances tantôt dramatiques, tantôt scientifiques, toujours attrayantes et inédites. Enfin, en octobre 1869, nous le trouvons à Madrid, de retour du carnage de Valence. Il comptait y prendre quelques repos bien gagnés, mais comme le gladiateur dans l'arène, le reporter doit toujours être prêt à partir au reçu de l'ordre qui peut l'envoyer au plaisir ou à la mort. Festin ou bataille, c'est toujours la même formule, partez! Et cette fois, le reporter du New York Herald allait être appelé à une œuvre qui devait avoir sur sa destinée une influence capitale. Fin de la section 71.